Excellence de Marie et son culte, par le révérend Père Dominique de la Mère de Dieu, Domenico Barberi, volume 2, 10e instruction, pour la fête de la compassion de la Sainte Vierge, ou de Notre-Dame des Sept Douleurs le 15 septembre. Sur les douleurs de la très Sainte Vierge. Un important avis que le Saint-Esprit donne à tout le monde, c'est celui de n'oublier jamais les gémissements de notre mère, Ecclésiastique 7, 29. Vous devez donc vous souvenir de la multitude et de la violence des maux qu'elle a endurés par amour pour vous, Tobie 4, 4. Mais de quelle mère s'agit-il ici, mon frère? Est-ce de la mère naturelle qui nous a portés dans son sein, qui nous a donné le jour, qui nous a nourris? Oui, sans doute, il s'agit de cette mère, et certes, le Fils qui serait assez ingrat pour oublier les bienfaits innombrables qu'il a reçus de sa mère et se rendre insensible à tout ce qu'elle a souffert pour lui, serait un monstre qui ne mériterait plus d'être rangé parmi des hommes. Ces paroles doivent donc s'entendre de cette mère selon la chair, mais à plus forte raison, selon moi, devons-nous les entendre aussi d'une autre mère plus auguste, plus aimable, plus aimante, plus tendre envers nous, et qui a souffert par amour pour nous des peines incomparablement plus grandes. Je parle de celle qui étant la mère véritable et naturelle du Fils de Dieu devint par grâce et par amour la mère de tous les fidèles. Ah, n'oublions jamais les gémissements de cette mère amoureuse, rappelons-nous souvent, avec le sentiment de la plus tendre, de la plus cordiale reconnaissance, l'excès et la multitude des douleurs qu'elle a endurées pour nous, qu'il ne nous soit pas à charge, mon cher frère, d'en faire le sujet de notre entretien pendant ce jour. Le sujet que je propose à vos méditations est tout à la fois, je crois, le plus touchant et le plus approprié à votre dévotion filiale envers Marie. Mais, hélas, dès le début je sens que l'haleine me manque, et je suis forcé de m'avouer incapable de traiter un sujet aussi difficile, et qui pourra jamais, auguste Vierge, énumérer seulement, loin de pouvoir apprécier, les peines cuisantes que vous avez endurées par amour pour nous. Quelle comparaison trouverais-je pour faire comprendre l'excès de votre douleur? Lamentation de Jérémie 2, 13. Qu'agar se taise, qu'est-ce que l'affliction qu'elle a éprouvée au sujet de la soif brûlante de son cher Ismaël? Que la triste Rachel mette fin à ses sanglots, et cesse de pleurer ses enfants mis à mort par la cruauté d'Hérode, que Noémie se taise et ne me dise plus qu'elle est la femme la plus affligée et la plus accablée de tristesse. Ni elle ni d'autres ne sont capables de nous donner une idée de la grandeur et de la violence de vos douleurs, ô Marie, la mère la plus amoureuse, mais aussi la plus affligée de toutes les mères. Vous-même, vous me faites remarquer qu'on ne vit jamais sur la terre une douleur semblable à la vôtre, Lamentation 1, 12. Non, il n'y a pas, ô mère, il n'y a pas de douleur qui puisse être comparée à vos douleurs. À qui donc, à qui vous comparerai-je, aux filles de Jérusalem? J'aime à répéter le gémissement du prophète, à qui vous comparerai-je, ô mère affligée, s'il ne se trouve point sur la terre de douleur comparable à la vôtre? Laissons la terre, entrons dans la mer, et voyons si avec toute son amertume elle pourra nous donner une idée des amertumes où votre âme fut noyée, elle seule semble nous dévoiler quelque chose. Votre affliction est grande comme la mer. Lamentation 2, 13. C'est donc à la mer que l'Esprit Saint vous compare. La mer seule sera en état de nous offrir un emblème de votre douleur. Mais quelle mer? Marie Magnum. Ce n'est pas une mer quelconque, mais la mer la plus vaste, la plus profonde, la plus amère. Son amertume nous portera à nous former une idée de vos amertumes. Voyons donc quelles furent l'étendue, la profondeur et l'amertume des douleurs de Marie. J'ai mis en premier lieu l'immensité, l'étendue. Nous sommes accoutumés de contempler la Sainte Vierge sur le calvaire au pied de la croix, et de nous dire, à combien furent grandes les douleurs de cette mère, témoin de la mort de son fils. Nous nous arrêtons là, croyant qu'il ne reste autre chose à considérer. Mais nous nous trompons, mon frère, en nous imaginant que c'est là l'unique circonstance où Marie fut plongée dans la douleur. Il n'en est certes pas ainsi. Ce que saint Léon a dit de Jésus, savoir qu'il commença à souffrir sa cruelle passion dès l'instant de sa conception, nous pouvons le dire en proportion de Marie. Rien, sans doute, n'est plus admirable que l'ordre suivi par la très sainte Trinité dans la réparation et la rédemption du genre humain. Elle voulut que la manière dont il fut réparé fût parallèle à celle dont il fut précipité dans l'abîme de la faute. Adam ne nous fit pas par lui seul déchoir de l'état de grâce dans celui du péché, Ève en se laissant tromper concourut à notre ruine. Ainsi Dieu a voulu que Jésus-Christ n'opéra point seul la grande œuvre de notre réhabilitation, mais que Marie aussi eut part. D'où vient qu'elle est appelée avec raison par les saints pères corédentrice, confère saint Augustin du symbole ad catéchumène. Une femme nous entraîna à la mort, une femme nous procura la vie, Ève nous fit périr, Marie nous sauva. Saint Bernard s'exprime plus clairement encore, un homme et une femme nous ont à la vérité causé un immense dommage, mais néanmoins par un autre homme et une autre femme, toutes nos pertes ont été réparées, et même d'une manière très avantageuse. Leçon des matines, Saint Bernard, sermon sur Signum Magnum, pour le dimanche dans l'octave de l'Assomption. Nos premiers parents, séduits par l'apparence d'une jouissance, tombèrent dans le péché. Jésus-Christ résolut de nous relever de cette chute, et il voulut que Marie fût sa coopératrice en souffrant des douleurs extrêmes. Jésus-Christ souffrit à partir de l'instant de sa conception, et à raison de ce qui l'affligeait actuellement, et par la prévision de sa cruelle passion, voulant associer Marie à ses peines, il voulut aussi que, dès le moment de sa naissance et pendant tout le cours de sa vie, elle souffrit, non seulement des afflictions présentes, mais aussi par l'effet de la vue anticipée des peines horribles que son divin Fils aurait à endurer. Au ciel, quelle vaste chance ouvre ici à nos réflexions. Aussi le temps me le permettait, je voudrais vous mettre sous les yeux les angoisses sans nombre qui oppressèrent le cœur de Marie pendant toute la durée de sa vie. Je me dispense toutefois d'attirer votre attention sur les peines qu'elle éprouva à la vue de l'état misérable où était réduite son auguste famille, qui comptait parmi ses ancêtres autant de rois qu'il y en eut qui siégèrent sur le trône de Juda, depuis David jusqu'à Sédécias. Je me dispense de vous dire combien son noble cœur dut être sensible à ce dénuement, les dédains qu'elle lui a essuyés par suite de cet état. Cela n'entre pas dans mon plan, je désirerais seulement vous dire quelque chose des afflictions qu'elle éprouva uniquement à l'occasion de Jésus. À la pauvre mère a conçu, il est vrai, par l'opération du Saint-Esprit, cet heureux fruit qui seul pouvait réparer l'infection du fruit corrompu d'Adam. Mais quel tourment de se voir réduite à errer de tous côtés, sans trouver un lieu où elle puisse décemment reposer la tête de son bien-aimé fils, dès qu'il paraîtrait au monde. Elle cherche avec anxiété si personne ne voudra lui donner asile, nullement inquiète pour elle-même, mais pleine de sollicitude pour le fruit de ses entrailles, Quelles que fussent ses recherches, il n'y eut pas un seul lieu dans la cité de David, où l'on voulût recevoir cette illustre fille, dont David lui-même se glorifiait plus que de toutes ses victoires. Il n'y avait point de place pour eux dans l'hôtellerie, Luc 2, 7. Jésus est venu dans sa propre cité, et il ne trouva personne qui voulût lui donner asile, Jean 1, 11. Marie devait bien comprendre que ce refus présageait ce que Jésus aurait un jour à essuyer de notre part, lorsqu'il viendrait demander entrée dans notre cœur, où tous les objets trouvent place, excepté Jésus. Et que fera dans une pareille extrémité la mère du souverain maître du ciel et de la terre, se voyant rebutée de tout le monde? Elle est contrainte de se chercher un logement non plus parmi les hommes, mais parmi les animaux. Ceux-ci, moins cruels peut-être, ne refuseront pas d'avoir Jésus au milieu d'eux. Le bœuf a connu son possesseur, et l'âne, l'étable de son maître, mais Israël ne m'a point connu, et mon peuple n'a point compris le don qui lui était offert. Isaïe 1, 3. Peu de jours après sa naissance, Jésus voulut se soumettre à l'opération douloureuse de la circoncision, impatient en quelque sorte de voir arriver le moment où il allait répandre tout son sang par amour pour nous. Il voulut nous en donner un gage en en versant les premières gouttes, et Marie le vit répandre pour notre amour ce sang puisé dans ses chastes entrailles, tiré de son sein virginal. Ô combien plus abondantes furent, selon moi, les larmes de douleur qui coulèrent des yeux de Marie. Vous m'êtes un époux de sang, Exode 4, 25, pouvait-elle dire à Jésus, comme autrefois la fille de Jéthro le reprocha à Moïse, tu es pour moi un époux de sang. À peine née, Jésus vit quel serait l'accueil que le monde lui ferait plus tard. Un roi barbare a juré sa mort, il lance un édit cruel par lequel il ordonne que tous les enfants nés dans la cité de David et les environs seront exterminés. Jésus sera-t-il compris dans ce massacre? C'est ce que veut Hérode, mais Dieu en a ordonné autrement. Il fait donc savoir à la Sainte Vierge par la bouche de son époux qu'elle doit fuir en Égypte, et la Vierge, son enfant entre ses bras, se hâte de se mettre en route, parcourt les déserts, et habite parmi les bêtes féroces, puisque parmi les hommes ingrats elle ne trouve personne qui veuille recevoir Jésus. Hélas, que de tourments n'eut-elle pas à endurer durant ce pénible exil, que de fatigues, que de traverses, aux jours cruels, aux douloureuses nuits. Sans cesse elle a sous les yeux l'objet précieux de son amour et de sa douleur, elle serre Jésus contre son sein, elle le baigne de ses larmes amères. Mais voici que le Fils de Dieu, voulant mettre sa constance à l'épreuve, se soustrait à ses regards, l'enfant Jésus demeure à Jérusalem, et ses parents ne s'en aperçurent point, Luc 2, 43. Que fera Marie privée de la vue de celui qui est la consolation, le soleil de sa vie? Voyez la mère de Tobie, comme elle déplore l'absence de son cher et unique fils, elle est inconsolable, et ses larmes ne tarissent point. À mon fils, s'écrie-t-elle, mon fils, mon cher fils, vous êtes notre trésor unique. Nous n'aurions point dû permettre votre absence, Tobie 10, 4 et 5, telles sont les paroles que Marie ne cesse de répéter. Son tendre cœur est un aimant toujours en mouvement, il cherche son pôle et ne le trouve point. Elle s'adresse à tous ceux qu'elle rencontre, aux filles de Jérusalem, s'écrie-t-elle le long des chemins et dans les rues, si vous avez rencontré mon bien-aimé, dites-lui que je languis d'amour, dites-lui, je vous en conjure, que mon cœur est blessé par les traits de la charité. Cantique 5, 8. Mais les filles de Jérusalem ne daignent ni l'écouter ni la consoler. Elles méconnaissent Marie, parce qu'elles ne connaissent point Jésus et Marie. Que fait-elle sans son bien-aimé? Infortuné Ruben, je te contemple penché sur cette citerne desséchée. Que cherches-tu avec tant d'anxiété? Je cherche, semble-t-il me répondre, je cherche mon cher Joseph, mais Joseph ne paraît plus, mon bien-aimé Joseph ne paraît plus, où pourrais-je le chercher, où le trouverais-je? Genèse 37, 30. Peut-être une bête cruelle l'a-t-elle dévoré. Peut-être ses frères plus féroces encore ont-ils plongé leurs mains dans son sang. Ah malheureux que je suis, que faire, où fuir? Ce n'est là qu'une faible figure des anxiétés et des douleurs du cœur de Marie. Enfin cependant elle retrouve son bien-aimé Jésus. Mais Jésus s'éloigne de nouveau pour exercer l'office qui lui a été confié par le Père Céleste, savoir, d'annoncer aux hommes la nouvelle du salut. Il laisse sa très douce mère, pour obéir aux ordres du Père Céleste. Marie le suit autant qu'il lui est permis de le faire, mais que voit-elle? Elle est témoin de l'ingratitude des enfants d'Israël, qui, au lieu de recevoir Jésus, de se prosterner à ses pieds, de l'adorer, de le reconnaître pour le Messie promis, pour le vrai Dieu, ose l'insulter, le blasphémer, l'accabler de menaces, et enfin chercher à le mettre à mort. Ah, il me semble entendre cette divine mère s'écrier dans l'amertume de son âme, est-ce là la reconnaissance que vous témoignez à votre Dieu, peuple insensé? Cantique de Moïse, Deutéronome 32, 6. De sorte que le cœur de Marie est constamment meurtri et percé par la douleur la plus aiguë. Ce n'est donc pas seulement au pied de la croix qu'elle fut une mère de douleur, elle fut elle pendant toute sa vie. Ma vie s'est épuisée au milieu des douleurs, et mes années se sont consumées dans les gémissements et les larmes. Psaume 30, 11. Elle ressentit l'affliction de tout ce qu'elle voyait souffrir à son divin fils Jésus. Elle fut plus affligée encore par la prévision douloureuse de tout ce qui lui restait à souffrir. Par une sage disposition de la divine providence, les maux, les traverses, les peines, les afflictions qui nous attendent sont voilées à nos yeux. Malheur à nous, si, dès le premier moment de notre existence, nous voyons ranger sous nos yeux l'armée innombrable des maux qui nous sont réservés. Malheur à l'infortuné Absalom, s'il avait eu constamment devant les yeux le chêne fatal auquel il devait rester suspendu. Malheur à l'infortuné Saül, s'il avait été condamné à voir sans cesse briller à ses yeux l'épée qui devait lui percer le sein. Malheur au déicide Judas, s'il n'avait cessé de voir le lien qui devait l'étrangler. Mais Dieu a voulu que l'avenir demeure voilé à nos yeux. Il n'en arriva pas de même à l'égard de Jésus, appelé avec raison l'homme de douleur, Jean 6, 65 et 18, 4. Jésus savait tout dès le commencement, il connaissait tout ce qui devait lui arriver. Il n'en arriva pas non plus de même à Marie, la plus affligée après Jésus. Son divin fils la voulant pour compagne, et en un sens pour coopératrice de notre réparation, voulut qu'elle eût part, non seulement à ce qu'il souffrait actuellement, mais encore à tout ce qu'il aurait à souffrir dans la suite. Et de quelle manière? Écoutez-le. Jésus-Christ a voulu que toute la série des tourments et des ignominies de sa passion fût révélée aux patriarches et aux prophètes, qui en laissèrent la description circonstanciée dans les livres saints. Le juif charnel lisait ces pages sacrées, et, enflé d'orgueil comme il était, il remarquait fort bien les prospérités qui lui étaient promises, mais il ne voulait point y voir à quel prix énorme elle devait lui être achetée. Il n'en était pas de même sans doute de Marie. La Sainte Vierge, comme le dit Origène, fut remplie par l'Esprit Saint d'une sagesse céleste, qui lui donnait l'intelligence de la véritable signification de ses livres, dont chaque page, d'une manière ou d'une autre, lui représentait la passion douloureuse de Jésus-Christ. Elle le voyait dépeint sous les traits les plus vifs, elle le voyait persécuté dans David, immolé dans Isaac, mis à mort dans Abel. Elle lisait dans les psaumes son crucifiement, dans Isaïe la série des opprobres qu'il aurait à souffrir, dans les lamentations de Jérémie, elle découvrait ses amertumes, dans Job en proie à la douleur, elle contemplait l'image de l'état pitoyable où il serait réduit, elle lisait dans Daniel l'époque précise de sa passion et de sa mort. Et son cœur plein d'amour était par contre coupercé de tant de traits que Jésus devait éprouver de tourments dans son corps. Il ne faut donc pas s'étonner de ce que dit un pieux interprète qui remarque que Marie fut crucifiée même avant de concevoir Jésus-Christ. « Pauvre mère, se disait-elle peut-être, pauvre mère qui verrait de vos propres yeux tous les outrages dont on accablera le Fils de Dieu et votre Fils, ignorant qu'elle eût été elle-même choisie par la divine Providence pour être la mère dont elle méditait les douleurs. Mais voici que l'ange vient lui annoncer sa sublime destinée de mère du divin Rédempteur, Fiat, dit-elle alors. « Qu'il me soit fait selon votre parole, Luc 1, 38. Mais que veut dire ce fiat ? Il veut dire, sans doute que je devienne la plus affligée d'entre les créatures, puisque je devrais plus qu'aucune autre participer à la passion de l'homme de douleur, fiat, aux généreuses résignations, aux soumissions héroïques de Marie. Mais ne la perdons pas de vue. Elle se transporte au temple, elle offre elle-même à Dieu le fruit de ses entrailles, comme une autre Rachel, son bien-aimé fils sur son sein, elle cherche à apaiser la colère de celui qui veut la mort, non seulement de Jacob, mais de toute la race prévaricatrice d'Adam. À ce spectacle, Dieu s'apaise et pardonne au genre humain, il accepte le don offert par notre auguste libératrice, et dès ce moment il nous regarde, non plus comme des enfants de colère, mais comme des enfants d'adoption et de salut. Il résolut donc d'user envers nous de miséricorde et de compassion, mais aussi il voulut conserver intacts les droits de sa justice, qui réclamait sans pitié la réparation de la faute, une victime innocente, Jésus, est voué à cette grande expiation, et Marie doit lui tenir compagnie dans son douloureux sacrifice. Le saint vieillard Siméon prend la victime entre ses bras, il reconnaît le libérateur promis, il l'adore dans le plus profond de son cœur, « Voilà, dit-il, celui qui sera en butte à la contradiction, Luc 2, 34 et suivant. Votre âme, ô mère de douleur, sera percée d'un glaive aigu et cruel. Ô mère, la plus affligée de toutes les mères, dites-nous, si vous le pouvez, quelle impression firent ces paroles sur votre cœur maternel. Mon doux Jésus sera en butte à la contradiction. Il sera donc contredit de tous, il sera contredit par les Juifs, il sera contredit par les gentils, il sera contredit en parole, il sera contredit en action, contredit dans sa personne, contredit dans les siens, il sera contredit à présent, il le sera dans la suite, il sera contredit par les hérétiques, il sera contredit par les mauvais chrétiens, qui, en parole font profession de le connaître, mais le nient par leurs œuvres. Conférer Épître à Tite 1, 16, acte 28, 22. Les péchés et les iniquités par lesquels j'ai contredit mon Dieu ont donc aussi concouru, Marie, À accroître vos douleurs, voilà quel fut le glaive cruel qui perça votre belle âme. Que dites-vous, ô Siméon? Vous dites que le cœur de Marie sera transpercé d'un glaive cruel? Ah, il me semble plutôt qu'il l'est dès à présent. Et comment en serait-il autrement? Elle a son fils sous les yeux, elle contemple cette face adorable que les anges brûlent de contempler. Pierre 1, 12. Et elle la voit déjà toute souillée de crachats et de sang, elle contemple ses mains qui ont construit les cieux, et déjà elle les voit percés de clous, elle contemple ce tendre cœur, et elle le voit déchiré par une lance cruelle, tandis qu'elle le serre sur sa poitrine, elle se représente les liens dont il sera garrotté comme un criminel, en lui présentant le lait de ses mamelles. Elle voit en esprit le fiel amer dont il sera un jour abreuvé, elle savait, pouvons-nous dire aussi de Marie, elle savait tout ce qui devait lui arriver. Oh quel tourment, quelles angoisses, Job 30, 27, les jours de l'affliction peut-elle dire, mon prévenu, Psaume 17, 5. La pensée de la mort de mon doux Jésus a depuis longtemps assiégé mon esprit. Lorsque David pénitent sut que le fils qui lui était né d'un adultère mourait, il en fut tellement consterné, qu'il se roulait par terre et ne pouvait plus recevoir aucune consolation. Ses courtisans se pressaient autour de lui, mais sa tristesse n'était point susceptible d'adoucissement. Celle de Marie fut bien plus profonde encore, ô tendre mère, vous avez eu devant les yeux la mort de votre fils unique, non pas durant 7 jours, mais pendant l'espace de 33 ans. Son image n'est pas sortie un instant de votre esprit et de votre cœur. Ô quelle mort anticipée pour vous! Cependant le temps où elle doit s'effectuer en réalité approche, et je crois voir Marie qui commence, la prophétie de Daniel entre les mains, à supputer les années, les mois et les jours qui restent avant l'accomplissement du grand sacrifice. Mais voici qu'un soir, elle voit son cher fils Jésus qui l'aborde, contre sa coutume, pour prendre congé d'elle, et, si je puis le dire, lui demander la permission d'aller répandre sur la croix le sang précieux qu'il n'a voulu prendre que moyennant son consentement dans ses entrailles virginales. Marie reconnaît aussitôt, au maintien plein d'amour de son fils, ce qu'il va lui manifester, le pressentiment de son cœur lui en a dit assez. Néanmoins Jésus voulant toujours la faire participer plus largement au calice amer qu'il devait épuiser, lui en donne une certitude plus absolue. Ma mère, ainsi parle Jésus, vous savez pour quelle fin je suis descendu du ciel en terre, et j'ai voulu me revêtir de cette dépouille mortelle, vous savez que c'est pour racheter le genre humain. En endurant la mort la plus cruelle et en versant jusqu'à la dernière goutte de mon sang. Vous savez fort bien que votre fils sera livré entre les mains des nations pour être moqué, flagellé et crucifié. Aucune de ces choses ne vous est inconnue, or je vous annonce que voici enfin l'heure après laquelle j'ai si ardemment soupiré, où elles recevront tout leur accomplissement. Je serai livré entre les mains de mes ennemis, qui déjà sont préparés à me faire subir les plus barbares traitements, confère Saint Bonaventure. Telle est la volonté de mon Père Céleste, telle est ma volonté, et je désire que ce soit aussi la vôtre. Ô Dieu, ces paroles furent autant de traits aigus qui percèrent le cœur de la Vierge Mère. Son âme embrasée d'amour est en proie à la plus amère douleur, Cantique 5, 6. Elle est incapable de supporter l'amertume qu'une semblable nouvelle répand dans son cœur. Que fera Marie dans cette extrémité? Devra-t-elle consentir à ce que son bien-aimé fils marche à la mort la plus cruelle? Et son cœur maternel, la tendresse de son amour pourra-t-elle le lui permettre? Ne devrait-elle pas lui refuser son consentement? Ne devrait-elle pas s'opposer au dessein du Père Céleste, au désir de son bien-aimé Fils? Sa soumission au décret de Dieu, sa conformité à la volonté divine, son amour envers les pécheurs, qui par ce moyen seront rachetés de l'esclavage de l'enfer et du péché, ne souffre point qu'elle refuse son consentement. De quelque côté qu'il se tourne, son cœur maternel ne rencontre qu'affliction, les angoisses me pressent de toutes parts. Daniel 13, 22. Peut-elle dire avec raison comme la chaste Suzanne, « Je ne sais à quoi me résoudre. À mon Fils, mon bien-aimé Fils Jésus, qui me donnera de verser mon sang à la place du vôtre, qui me donnera d'exposer 1000 vies pour vous épargner tant de tourments. » Mais la volonté du Père Céleste est arrêtée. Jésus doit mourir pour nous racheter du péché. Cette volonté est trop bien connue de Marie, et son cœur filial ne lui permet point de s'y opposer. Elle donne donc son consentement maternel. « Oui, dit Marie, qu'il soit fait, ô mon Fils, selon ce que vous m'avez annoncé, pourvu que l'homme se sauve. » Pourvu que le genre humain soit racheté de l'esclavage du péché et délivré de la mort éternelle. Que mon fils, que mon cher fils aille à la mort, j'y consens. Voilà, mon frère, ce que notre rachat et notre réparation doivent coûter à Jésus et à Marie. Jésus doit se dévouer à la mort la plus atroce. Marie doit permettre qu'il s'y dévoue. Mais, hélas, que cette permission lui coûte cher, son cœur demeurera blessé par la plus vive, la plus cuisante douleur. Elle embrasse avec tendresse son divin fils, ses lèvres impriment un baiser affectueux et plein de respect sur son front, et puis elle se retire, Jésus part, et Marie demeure seule. Solitude affreuse, séparation douloureuse. Qui pourra procurer quelque soulagement à son esprit, quelque consolation à son cœur? Personne, personne, il n'est personne parmi ses amis qui puisse la consoler. Lamentation 1, 2. Elle est incapable de recevoir le moindre soulagement. Ne vous fatiguez pas, dit-elle aux saintes femmes, ne vous mettez pas en peine pour me consoler. Isaïe 22, 4. Mon unique soutien, ma seule consolation s'est éloignée de moi. Lamentation 1, 16. Déjà elle commence à ressentir les dégoûts mortels que Jésus éprouva à Gethsémani. Déjà elle se représente les douloureuses meurtrissures des coups de fouet, les plaies des épines et des clous. Déjà elle endure dans son cœur tous les tourments que bientôt Jésus aura à souffrir dans son corps. Concluons de ce qui a été dit jusqu'ici que Marie ne fut pas seulement plongée dans la douleur au pied de la croix, elle le fut au contraire pendant tout le cours de sa très sainte vie. Elle ne le fut pas tant à cause des afflictions que Dieu lui envoya, mais bien plus par le pressentiment de toutes les souffrances réservées à Jésus, son bien-aimé fils. Marie peut donc dire avec vérité, « Toute ma vie a été en proie à la douleur, aux larmes et aux gémissements. » Psaume 30, 2. Répétons-le. Lamentation 2, 13. Votre affliction, auguste Vierge, est vaste comme l'océan, parce que de même qu'il n'y a pas dans l'océan une seule goutte d'eau qui ne soit amère, ainsi dans votre vie il n'y eut pas un instant qui ne fût rempli d'amertume, tant fut grande la mer de mes iniquités. N'allez pas vous imaginer que si cet océan d'amertume fût si vaste, il ne fût pas profond en proportion, que si la douleur de Marie se prolongea pendant toute la durée de sa vie, elle en fut d'autant moins intense. Non, mon cher frère, non, il s'est trompé celui qui a dit qu'une douleur de longue durée ne peut être intense, conférer Épicure. La douleur de Marie, quoique très prolongée, fut cependant tout à la fois plus intense que nous ne pourrons jamais nous l'imaginer. Pour bien comprendre ce que je vais dire, il est nécessaire d'exposer d'abord un principe admis par tous les sages, savoir que la douleur est fille aînée de l'amour. La douleur que nous cause la perte d'un objet est proportionnée à l'affection que nous lui portons, on est d'autant plus sensible au malheur d'un ami, qu'on l'aime davantage. Une mère doit donc éprouver d'autant plus de douleur des souffrances et de la mort d'un fils, que l'amour qu'elle lui porte est plus vif et plus tendre. Conséquemment, afin de connaître l'intensité de la douleur que ressentit Marie, il faudrait savoir combien elle aima Jésus. Plus l'amour de Marie fut tendre, plus ses blessures furent profondes, saint Laurent Justinien. Mais qui jamais sera en état de comprendre la vivacité, la grandeur de l'amour que Marie portait à Jésus? Les séraphins même les plus ardents dans l'amour de Dieu n'y parviendront jamais. Cependant, méditons-en quelque chose au moyen des faibles lumières que nous pouvons avoir sur ce sujet. N'y eut-il d'autre motif pour allumer dans le cœur de Marie l'amour le plus tendre envers Jésus? Ne suffisait-il pas qu'elle fût sa véritable mère, et que Jésus fût son fils véritable et naturel? Qui ne sait combien grand est l'amour que les mères ont coutume de porter à leurs enfants? Je dis qui ne sait, ah plutôt qui le saura jamais, si ce n'est une mère, les mères seules seraient capables de nous dire quelque chose de la tendresse et de l'affection qu'elles nourrissent pour leurs enfants, fussent-ils même ingrats et méchants. Un père voulait châtier un fils impie et débauché, et afin de proportionner le châtiment à la faute, il résolut de le bannir de la maison paternelle, mais le cœur de la pauvre mère ne pouvait le souffrir. « Ce fils est un impie, c'est un scélérat, » disait le père. « Tout cela est vrai, » répondait la tendre mère, « mais c'est notre fils, il mérite tous les châtiments, cela est vrai, mais c'est notre fils. » Elle ne pouvait répliquer autre chose que ces paroles, « c'est notre fils ». J'ai moi-même entendu cette mère éplorer défendre la cause de son fils, « c'est notre fils ». Ces trois mots furent plus efficaces que ne l'aurait été toute l'éloquence de Démosthène pour lui faire obtenir ce qu'elle désirait. Mais si les mères aiment à ce point des enfants même impies et débauchés, que devrons-nous penser de l'amour que Marie portait à Jésus, le Fils le plus cher, le plus aimable dont nous puissions jamais avoir l'idée? À ses manières douces et affables, cet air plein d'amabilité, ce maintien modeste de Jésus, tant de belles qualités qui brillaient en lui, n'était-elle pas l'aliment le plus propre à enflammer dans Marie l'amour maternel, comme aussi à accroître en proportion sa douleur de mère? Plus la tendresse de son amour fut grande, plus les blessures de sa douleur furent profondes. D'autant plus que les affections du cœur de Marie n'étaient point divisées entre plusieurs objets, mais toutes concentrées dans un seul, c'était le seul, c'était l'unique fils de la Sainte Vierge. Le saint roi David, pour exprimer l'affection qu'il portait à son ami Jonathas, ne trouve point de terme de comparaison plus propre que l'amour d'une mère à l'égard de son fils unique. « Votre mort me perce de douleur, ô le plus beau, le plus aimable des princes, je vous chérissais, comme une mère chérit son fils unique. » 2 Rois 1, 26. Un foyer est d'autant plus ardent qu'il se trouve plus resserré et plus concentré, l'amour est d'autant plus fort dans un cœur, qu'il est plus concentré sur un objet unique. Or tel était précisément le cas de Marie. Son cœur n'avait d'autre objet que Jésus vers lequel il put se porter, la flamme de son amour était toute concentrée en ce point vers lequel tendaient toutes ses affections. Qui donc peut s'imaginer quelle en fut l'ardeur, et par suite quelle fut sa douleur? Dieu, qui est infiniment sage dans toutes ses œuvres, a gravé dans le cœur des parents une affection tendre et vive envers leurs enfants, et cela afin qu'ils soient attentifs à pourvoir à leur bien-être et à leur conservation. Cet amour est divisé entre le père et la mère a reçu en partage la tendresse et l'affection, le père, la force et la générosité de l'amour. On trouve donc dans les mères ordinaires l'amour pour leurs enfants, mais on n'en trouve encore qu'une partie. Il n'en était pas de même de Marie, qui, ayant conçu sans l'opération humaine, avait seul droit à tout l'amour envers un tel fils. Il lui revint donc toute la tendresse de l'amour d'une mère, jointe à la force et à la générosité de celui d'un père. Cela seul suffisait pour mettre le comble à son amour, et doubler aussi ses douleurs, mais, misérable que je suis, où vais-je me perdre? Ce ne sont là que des raisons naturelles tirées toutes de la chair et du sang, des motifs faibles et impuissants par eux-mêmes. Il est d'autres motifs et plus puissants et plus nobles qui concoururent à l'embraser d'amour envers Jésus. Jésus était son fils véritable et naturel, son fils unique, le fils le plus aimable. Tout cela est vrai, mais de plus Jésus était son Dieu. Ah, quelle vaste chance ouvre ici devant moi! Quel puissant argument j'y découvre pour démontrer toute l'ardeur que Marie portait à Jésus. Il faudrait maintenant que je susse jusqu'à quel degré parvint l'amour de Marie envers son Dieu, pour dire ensuite jusqu'où alla son amour envers Jésus. Mais pourrais-je bien sonder un tel abîme, si l'amour que portèrent à Dieu les âmes les plus ardentes, les Thérèse, les Catherine, les Madeleine, les Louis, les François, les Paul, les anges mêmes et jusqu'aux Séraphins, si tout cet amour pouvait être distillé et concentré dans un seul cœur, il n'égalerait certainement point l'amour dont Marie toute seule brûlait pour son Dieu. Déjà l'illustre Suarez a soutenu victorieusement que Marie est plus chère à Dieu que tous les saints et les esprits bienheureux ensemble. Cela étant, il n'est pas moins vrai de dire que Marie elle seule aime son Dieu plus que tous les anges et les bienheureux ensemble. En effet, il est certain que Dieu n'aime point par caprice et sans motif, mais qu'il aime en proportion de l'amour qu'on lui porte. Son amour n'est pas simplement affectif, il produit dans l'objet aimé ce qui le rend digne d'amour. Oh, s'il en est ainsi, qui jamais pourra seulement se figurer, loin de nous expliquer, les ardeurs ineffables dont le cœur de Marie était embrasé pour son Dieu? Qui donc pourra nous dire l'amour qu'elle portait à Jésus, son véritable Fils, et en même temps son Dieu? Qui par conséquent pourrait nous raconter l'abîme de douleur où la plongea la passion cruelle de son doux Jésus? L'amour dont les saints brûlaient pour Dieu leur faisait paraître douces les angoisses et les tortures les plus cruelles. C'est ce que nous lisons du premier martyr. L'amour chez eux calmait la violence de la douleur, ils souffraient d'autant moins qu'ils aimaient davantage. Le contraire arriva à Marie, chez elle la douleur fut en raison directe de l'amour, sa douleur se mesura sur l'étendue de son amour envers Dieu et envers Jésus, et la raison en est évidente. Il ne s'agissait pas en Marie de tourments à subir par amour pour son bien-aimé, il s'agissait des tourments inhumains et de la mort cruelle que son cher et tendre fils Jésus devait endurer. Aussi remarquez que si les autres martyrs ont coutume d'être représentés avec les emblèmes de leur supplice, l'un avec une épée, l'autre avec une croix, ceux-là avec d'autres instruments horribles, inventés par la cruauté des bourreaux et des tyrans, la reine des martyrs n'est représentée avec d'autres instruments de son douloureux martyr que son fils mort entre ses bras. Mais, Ô Dieu, c'en est assez pour nous faire comprendre l'excès de sa douleur, la profondeur de ses peines cruelles. La mer de douleur où Marie fut plongée fut non seulement vaste, elle fut encore profonde, ce fut un abîme dont Dieu seul, à qui rien n'est caché, peut sonder la profondeur et mesurer l'étendue. Mais quelle en fut l'amertume, à mon cher frère, pour en puiser une seule goutte, transportons-nous sur la montagne de douleur vers laquelle Marie s'achemine courageusement. J'irai, dit-elle, j'irai à la montagne de myrrhe et à la colline d'encens, Cantique 4, 6. Transportons-nous sur ce sommet qui fournit à Marie une myrrhe si amère, et où un encens si suave s'éleva de son cœur plein d'amertume, vers le trône de Dieu. Jésus est parvenu en face de cette montagne où il doit consommer le grand sacrifice pour l'expiation du péché, la rédemption des enfants d'Adam, et l'alliance entre Dieu et les hommes. Nouvel Isaac, il porte sur ses épaules le bois de l'Holocauste. Il se hâte de franchir la distance, impatient de voir arriver l'heure où il va nous donner la plus grande preuve de son amour. Mais la divine providence ne voulut point qu'il eût seul part à la consommation de l'Holocauste, et de même qu'Ève coopéra avec Adam à notre ruine, ainsi voulut-elle que Marie fût associée à Jésus pour notre réparation. Dieu lui-même par conséquent inspira au cœur de notre auguste libératrice de se rendre au calvaire non pas en simple spectatrice, mais comme associée et participant au grand sacrifice. Déjà elle a quitté sa demeure, accompagnée de saint Jean et des saintes femmes, elle va à la recherche de son bien-aimé. Elle entend dans les rues de Jérusalem les clameurs de la populace furieuse qui demande sa mort, elle apprend que déjà la cruelle sentence est portée, que déjà on s'achemine vers l'endroit de l'infâme supplice. Elle presse ses pas pour rencontrer son divin fils, elle le rencontre enfin. Mais dans quel état Jésus se présente-t-il au regard de sa mère? Ô Dieu, quel spectacle pour une mère si tendre! Nous l'avons vu, et il était entièrement défiguré, il ne paraissait plus qu'un objet de mépris, le dernier des hommes, un homme de douleur, accoutumé aux souffrances. Son visage était comme caché et il n'offrait qu'un aspect méconnaissable, Isaïe 53, 2, 3. Sa mère voit ce visage non plus rempli de charme et respirant une douce gaieté, mais elle le voit couvert de souillures et de sang, elle contemple ce corps formé par l'opération du Saint-Esprit dans ses chastes entrailles, et elle le trouve si défiguré qu'à peine peut-elle le reconnaître. Au spectacle déchirant, au glaive cruel, elle l'aborde, elle l'embrasse, elle voudrait lui parler, « Ô mon cher fils, semble dire Marie, mais la douleur la suffoque, et étouffe sa voix, elle n'est pas en état de proférer une seule parole. » Charles, roi d'Angleterre, était condamné à mort, et déjà on le traînait à l'infâme gibet. Sa tendre et généreuse fille obtient la faveur de pouvoir l'embrasser, elle s'avance à la rencontre de son père, se jette à ses genoux, et s'écrie, « À mon père !» La violence de la douleur l'empêche d'en dire davantage, elle tombe morte, victime innocente de l'amour filial. Marie ne meurt point à la vue de son fils, mais ce courage n'est nullement dû aux forces de la nature, incapable de la soutenir, ce fut la grâce seule qui la fortifia, afin qu'elle pût partager et offrir le grand sacrifice de la vie de son cher fils Jésus. Elle voudrait se tenir embrassée à son bien-aimé fils et comment pourrait-elle détacher ses bras de l'objet dont elle ne peut détacher son cœur? Mais une vile et barbare soldatesque l'en arrache avec violence. Marie est contrainte de se voir éloignée corporellement de son propre cœur. aux séparations affligeantes et cruelles. La violence de la douleur et de l'amour l'entraîne à suivre les traces sanglantes de son bien-aimé. Elle compte ses pas, elle écoute ses gémissements, elle entend les coups qui sont déchargés sur son fils. Elle compte les gouttes de sang qu'il verse le long du chemin raboteux et escarpé du calvaire. Elle voit cette terre maudite à cause du péché, baignée d'une rosée céleste. Ah, puisse-t-elle être suffisante pour faire que cette terre ne produise plus désormais ni ronces ni épines. On arrive enfin au sommet du calvaire, là où le véritable Isaac doit être immolé. Elle entend les cris de rage mêlés aux accents d'une joie furieuse. Elle voit les ennemis de son bien-aimé fils qui se félicitent d'être enfin parvenus au terme tant désiré de leur criminel dessein. Elle les voit qui, sans se donner de repos, se hâtent de dépouiller Jésus de ses vêtements. Ils le renversent sur le tronc de la croix, ils saisissent ses mains avec fureur, y adaptent les clous, et s'armant de lourds marteaux, les enfoncent à coups redoublés. Ils attachent les pieds et les mains du fils bien-aimé, et percent sans même tant doute en outre le cœur de la tendre et affectueuse mère. Dans son cœur sont réunies toutes les blessures répandues par tout le corps de Jésus-Christ, Saint Bonaventure. La cruelle exécution est terminée, mais le supplice du cœur de Marie ne l'est point. Voilà Jésus élevé en croix à la face de l'univers, et à la face, oserais-je le dire, à la face de sa mère que cette vue perce de douleur. Marie se tient debout au pied de la croix, intrépide et immobile comme un rocher violemment battu par les flots, Jean 19, 25. Elle recueille avec soin toutes les paroles qui sortent de la bouche de Jésus. Elle écoute de quelle manière il parle au Père Céleste en faveur de ses persécuteurs. Elle entend avec quelle bonté il promet non seulement le pardon, mais même le paradis aux larrons pénitents. Et cet amour de Jésus pour les pécheurs est un nouvel aiguillon qui excite le cœur de Marie à nous aimer. Mais un aiguillon bien plus puissant sans doute, ce fut le testament que Jésus voulut dresser avant d'expirer. Jésus voit son disciple, il voit sa mère, et avec l'accent le plus tendre et le plus pénétrant il dit à sa mère, Jean 19, 26, « Voilà, ô ma mère, celui que je vous laisse pour fils, recevez-le, comme si vous me receviez moi-même. Prodiguez-lui vos soins maternels, ce que vous ferez pour lui je le regarderai comme fait à moi-même. Ô fortuné disciple, mais nous ne sommes pas moins heureux, puisque ce ne fut pas Saint Jean seulement, mais tous les chrétiens qui dans sa personne furent présentés à Marie. Je vous laisse à penser, ô mon cher frère, quelle impression de telles paroles Dieu a opéré sur le cœur de Marie, qui, semblable à une cire molle, était propre à recevoir toutes les formes. Cependant, tandis que Jésus s'intéresse si vivement à notre bonheur, il ne se trouve personne qui puisse le consoler. Il s'adresse à son Père, et son Père le voyant couvert de nos péchés refuse en quelque sorte de le reconnaître pour son Fils. Jésus s'en plaint, « mon Dieu, s'écrie-t-il, pourquoi m'avez-vous abandonné ?» Matthieu 27, 46. Il s'adresse à ses bourreaux eux-mêmes, et leur manifeste la soif brûlante qui le dévore. « J'ai soif, dit-il, j'ai soif, Jean 19, 28. » Mais il n'obtient pas même de ces barbares une goutte d'eau pour se rafraîchir. Ô Marie, et vous étiez présente à un spectacle si déchirant. Pauvre Agar, elle voit son cher Ismaël languir de soif, elle promène de tous côtés ses regards inquiets pour trouver de quoi rafraîchir les lèvres brûlantes de son tendre enfant, et elle ne trouve rien. Ô mère affligée, que ferez-vous dans une si affreuse extrémité ? Ah non, se dit, Tel, mon cœur ne me permet pas de voir mon fils haletant mourir de soif. Elle le laisse seul, et s'éloigne pour déplorer son malheur. Genèse 21, 16. Marie ne s'éloigne point, parce que la force de son esprit égale celle de son amour. La mère de Jésus se tenait constamment debout auprès de sa croix. Jean 19, 25. Ô tendre mère, dites-nous quelle fut votre peine extrême en voyant votre bien-aimé fils languir de soif sans pouvoir lui procurer aucun rafraîchissement. Ô Dieu, une mère, et une mère semblable voir son fils, et quel fils, demander une goutte d'eau, et être hors d'état de la lui procurer. Ah si vous aviez pu exprimer de votre cœur une boisson rafraîchissante pour Jésus, avec quelle joie vous l'eussiez fait, ô tendre mère, frappez, je vous en prie, frappez le rocher de mon cœur pour en faire jaillir une source abondante de larmes amères, afin que je pleure mes péchés, qui ont si vivement affligé et tourmenté Jésus. Voilà le breuvage qui pourrait calmer sa soif, mais, hélas, c'est aussi ce que je lui refuse le plus obstinément. Enfin Jésus expire, plongé dans un océan de souffrance, il remet son esprit entre les mains de son Père. Le soleil de justice s'obscurcit pour Marie, tandis que le soleil matériel revient éclairer le monde. Jésus est donc mort, et Marie, que fait-elle? Elle n'en demeure pas moins immobile au pied de la croix. Elle demeure pour être témoin des nouveaux outrages qui seront faits à son bien-aimé. Je vois en effet un féroce soldat, qui, la lance à la main, accourt en furieux pour percer le cœur de Jésus. Arrête, cruel, arrête, ne frappe pas, aie pitié au moins de cette mère affligée, que tu vois encore vivante au pied de la croix. Mais le barbare ne m'écoute point, il enfonce son fer cruel dans le flanc de Jésus, et partage son cœur par le milieu. Ah c'est là, ô Siméon, c'est là le glaive qui perça l'âme de la Vierge Mère, déjà l'âme de Jésus n'était plus la mais la vôtre, ô Marie, ne pouvait en être arrachée, Saint Bernard, Insignium Magnum numéro 14. Joab perça un seul cœur de trois dards, mais ici je vois un seul dard qui perce deux cœurs d'un seul coup. Jésus est enfin descendu de la croix, on le dépose entre les bras de sa mère, mais hélas, dans quel état le recevez-vous, ô Marie, qu'il est différent de ce qu'il était, quand vous l'avez congédié? Marie le reçoit, le contemple, le presse contre son sein maternel. Elle considère l'une après l'autre les plaies profondes qui ont sillonné son corps. Ah, je crois l'entendre s'écrier, ô mon fils, mon cher fils, qui a pu vous traiter de la sorte, Zacharie 13, 6, qui vous a fait aux mains ces blessures profondes, qui vous a percé si cruellement les pieds, qui a eu la barbarie de vous ouvrir le cœur. Ô mère, ô tendre mère, que dites-vous là? Vous voulez savoir quel a été le traître infâme qui a maltraité si inhumainement Jésus? Vous voulez peut-être en tirer une vengeance éclatante? Je sais que la loi de Moïse fait un devoir aux parents de l'innocent qui a été tué de tirer vengeance de l'injuste meurtrier. Vous voulez peut-être accomplir ce précepte? S'il en est ainsi, je vous remettrai le coupable entre les mains, je vous montrerai le cruel meurtrier de votre fils innocent, de Jésus. Voici, devant vous, ô mère affligée, l'auteur de ce meurtre exécrable, c'est moi qui par mes péchés ai percé les pieds et les mains de Jésus. C'est moi qui ai déchiré son cœur plein d'amour, voici le criminel convaincu et avouant sa faute, qu'attendez-vous de plus? Exécutez sur moi vos justes vengeances, Que cette lance qui fut si cruelle dans mes mains, exerce dans les vôtres un ministère de justice. Celui qui en est venu au point de donner la mort à l'auteur de la vie ne mérite ni pitié, ni miséricorde. Voici le criminel, voici l'épreuve de son délit, voilà la loi qui parle, et demande une juste vengeance. Qu'attendez-vous encore? Mais, hélas, je parle en vain, Marie ne peut ni ne veut se venger, ses mains ne savent point user de justice, la miséricorde seule découle des mains de Marie. Ah si vous voulez user envers moi de miséricorde, brisez du moins, brisez mon cœur d'une contrition telle, qu'elle me fasse détester le monstre horrible du péché mortel, et me fasse pleurer jour et nuit les offenses que j'ai faites à mon Dieu. Voilà ce que je demande, ce que je sollicite ardemment, ô ma mère, que pourrais-je faire autre chose que de gémir après avoir eu la hardiesse de causer tant de déplaisir à Jésus, mon charitable Rédempteur, et à vous, ô mère, la plus aimable de toutes les mères. Faites, auguste Vierge, que tous les jours de ma vie je puisse me tenir avec vous au pied de la croix de mon Jésus, pour méditer sa cruelle passion, et vos douleurs excessives. Amen. Nota, on peut remarquer que cette instruction diffère un peu des autres. Celle-ci a été écrite pour être méditée, au lieu que les autres sont simplement destinés à être lus. Markendanarchive.org 2023. D'après Books Google FR Licence Creative Commons. Pas d'usage commercial, partage à l'identique.